In a moment, you can hear the scene in the bookshop again. But first, a reminder. Pouvoir. Je peux. Je peux attendre. I can wait. Vous pouvez. Vous pouvez commencer. You can begin. Il peut. Il peut payer. He can pay. Nous pouvons. Nous pouvons continuer. We can continue.